Et les cloches alors, en tumulte, sans trêve, hurlent sur la folle cité qu'un être qui fut tout est maintenant, ô rêve, comme s'il n'eût jamais été. Mais Paris n'entend rien, dans sa fureur muette, morne alambic toujours plein, qui travaille et qui boue, et chaque jour rejette les choses mortes de son sein. Et tout va comme hier, café, bouge, usine, torrent sans fin du boulevard, femme fraîche lorgnant au soleil les vitrines, et qu'en rêvant suit le regard.